Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Blamatoscope, hip hop. Oli et Tam, le dernier dit. Mento. Dis Cortex, tu veux faire quoi cette nuit? Bingo! Bonsoir, bonsoir, bienvenue à tous dans le 11e épisode de Memento. Vous êtes sur Radio Panique, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous livre un épisode un petit peu spécial, un épisode pour les kids des années 90. Une compile Back to School. On va suivre le petit Arthur, 8 ans, durant une journée à l'école primaire. Souvenez-vous. Les anniversaires, les rencontres avec les profs typiques de notre enfance, les gros délires à la récréation, ces trucs qu'on regardait à la télé et dont on connaît encore tous les génériques. Sans oublier les délices de la cantine. Mettez-vous bien et replongez avec nous dans tous ces beaux souvenirs de jeunesse. Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous deux histoires. Père Castor. Salut, moi c'est Arthur, j'ai 8 ans. Aujourd'hui c'est mon anniversaire, mais je suis quand même obligé d'aller à l'école. Je suis en deuxième primaire dans la classe de Madame Fabienne. On est en retard parce que maman, elle avait pas encore fini le gâteau qu'on a fabriqué ensemble hier soir. Oui, en fait, Arthur a simplement versé un œuf et mis un petit peu de farine dans le tout. D'ailleurs, Arthur a en fait 9 ans aujourd'hui, mais il a encore un petit peu de mal avec les chiffres. Il fait 1m24, chose du 29, a les yeux bruns et une petite toupette blonde que toutes les filles de sa classe trouvent trop mignonne. J'ai préparé des invitations pour mon anniversaire, ça va être trop bien. Mon papa les a mises dans mon cartable Kipling. D'ailleurs, mon petit singe, il est attaché à ma trousse, il est gris et il s'appelle Victor. Ma maman, elle porte le gâteau au chocolat qu'on a fait avec plein de Smarties. C'est vraiment trop super. Le petit, définitivement très très en retard, court vers sa classe. Il traverse la cour de récréation. Elle est remplie de grands châtaigniers répartis symétriquement le long d'une barrière en fer forgé. Le tout encadre un espace composé d'herbes, de sable et d'asphalte gribouillé à la craie de dessins et de marelles. Un peu essoufflé, Arthur toque à la porte de la classe et entend sa maîtresse dire « Entrez !» Pour la première fois, il est vraiment, vraiment content d'être à l'école. Look for the bare necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities, Mother Nature's recipe. Bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be founder of my big home. The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. You look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants. Then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. Look for necessities, simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just bare necessities of life. So just relax, yeah, in my backyard. If you act like that bee act, you're working too hard. Don't spend your time just looking around for something you want can be found. You'll find out you can live without it and go along not thinking about it. It tells you something true. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. They'll come to you. down to you. Oh yes. Vous êtes toujours sur Radio Panique, on vient de s'écouter la chanson de Balou, interprétée par Louis Armstrong, Bare Necessities. Ce matin, cours de néerlandais, ya meneer. Arthur déteste cette matière, mais au moins il peut s'asseoir à côté de Mélissa, sa première et principale amoureuse. En plus, aujourd'hui, ils vont apprendre une chanson intellectuellement très épanouissante, extrait. J'aime pas chanter. Mais ce qui est trop cool avec le cours de néerlandais, c'est qu'il y a gym après. Madame Chantal, on l'appelle Madame Puduc parce qu'elle sent la cigarette tout le temps et la cigarette, ça Puduc. Aujourd'hui, elle est venue avec un sac plein de ballons en mousse. On doit mettre des vareuses jaunes et les vareuses, elles sentent comme les chaussettes de papa après le sport. C'est trop bien. On va jouer à la balle aux prisonniers. Je suis trop fort à ce jeu. Allez, Mioche, vous prenez un ballon. Vous mettez en équipe de 10. Et vous essayez de toucher l'adversaire en face. Si vous attrapez la balle, vous pouvez la relancer sur lui et vous réalisez pas sur les autres. Si vous arrivez à faire rebondir la balle dans le camp adverse, le nombre de bonds définit le nombre de points enlevés à l'équipe adverse. S'il est touché, il est éliminé. Des questions ? Bon, qui va être chef d'équipe ? Moi ! Voilà, Arthur, tu viens ici. Marion, tu viens ici aussi. Oui, monsieur. On se dépêche, on va faire des équipes équitables. Je compte jusqu'à 10. Et là, ça rigole plus. C'est chacun pour soi. Ça va chier des bulles. Sur Radio Panique, on vient de s'écouter Oasis avec leur chanson Fucking in the Bushes. Un titre très très approprié pour les enfants de l'âge d'Arthur. Le cours de gym terminé, il se rhabille pour aller le plus vite possible à la cantine. Ben oui, le sport, ça creuse. La soupe blanche, c'est pas bon, ça puduque. Mais après, il y a des frites. Un bon gros steak avec des frites. Bordel ! Y en a marre de ce poisson grillé, de ces haricots verts. À mort le haricot! Vive la choucroute! Et quand j'aurai fini mes frites, j'irai distribuer mes invitations pour mon anniversaire. Elles sont trop bien, c'est papa qui les a imprimées sur l'imprimante. Et dessus, il y a tous mes super-héros super préférés. Les Power Rangers, le Spider-Man, les Chevaliers du Zodiac et surtout, les Tortues Ninja. Des ninjas! On a fini de manger toutes les frites. Et maintenant, on va manger mon gâteau. Comme ça, je pourrai donner mes invitations. Mon gâteau, c'est une couche de Ptilu, une couche de chocolat. Une couche de Ptilu, une couche de chocolat. Une couche de Ptilu, une couche de chocolat et plein de Smarties. J'ai quand même un peu les chocottes d'aller voir vers mon amoureuse. Mais j'y vais quand même. Et je lui parle un peu, mais elle me tend tout de suite une invitation avec des tortues ninja dessus. Sauf qu'en fait, c'est pas la mienne. Elle me dit que Jonathan fête son anniversaire aussi samedi, qu'en plus ils vont au Quick, et en plus elle a déjà dit oui. Et même que Jonathan, il a aussi distribué du gâteau, et comme il était en forme de Spider-Man, tout le monde a mangé le sien, et personne n'a touché au mien. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, ils s'écrasaient devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Les feuilles mortes sont tombées, couleur ocre orange. Absorbé par cette image, le petit marche dans les pots d'orange. Sa cagoule gondole sous la pluie toute trempée. Dans sa poche des billes, quelques Kiri écrasé, l'en a ras-le-bol de ras-le-bol, il est frigorifié. L'odeur humide des feuilles mortes qui lui chatouille le nez. Il est tout petit, pourtant le spleen a fait son entrée. Sombre après-midi et dans sa tête tout s'est embrouillé. Il sait pas si maman c'est à 4h ou à 5h30. Il sait pas pourquoi la dame est méchante à la garderie. Il emporte avec lui quelques bons becs et des chocorèves. L'écorce des arbres est trop dure pour faire couler la sève. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Le ciel s'obscurcit, il croque dans un pépito. Il fait presque nuit, une lumière glauque dans le préau. Ça souffle, alors il s'en mitoufle. Il sent même plus le vent qui siffle. Les poings serrés dans ses moufles, il morfle. Pense un peu à Goldorak, des miettes de pain au chocolat durci dans son anorak. Qui veut s'échapper, voudrait que maman vienne le chercher. Il cherche l'entrée, priant qu'elle l'ait pas oublié. Dans la cour, ses crades, odeur d'orange et de pourriture. Les feuilles mortes glissantes, gluantes sous ses chaussures. Les cris des autres l'agressent, serre les dents et snob les costauds. Il est 7h30, toujours personne dans le préau. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteau. Déjà en CP, il s'écrasait devant les costauds. Et dans ce panier de crabes, les plus forts seront des tourteaux. Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir s'ils en ont marteaux. Plus dur sera la chute, attention, passage à niveau. C'est chaud quand ils voient que papa sera pas au niveau. Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sans le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance. C'était Stupéflip, vous êtes toujours sur Radio Panique, le 105.4, et c'était leur chanson « Le spleen des petits ». Cet après-midi, Arthur se morfond pendant que la maîtresse fait une dictée. À quoi bon écrire correctement si ce n'est pas pour envoyer des lettres d'amour à Mélissa ? Les copies sont rendues, la sonnette résonne dans le hall. Il y a un plan, reconquérir le cœur de sa tendre pendant la récré de l'après-midi. Pour ça, il va tout essayer. Proposer de porter son cartable, lui montrer sa collection de cartes Pokémon et surtout marquer un but au foot dans la cour. Mais en vain, la journée est finie et Arthur doit aller à la garderie. Je commence vraiment à m'ennuyer. On peut plus jouer dehors parce que Madame Bernadette de la garderie, elle est pas gentille, elle veut plus qu'on aille dans la cour. J'ai déjà joué au Memory, à la bataille, au Mikado, mais là, tous mes amis, ils sont partis. Il reste juste Melisha. C'est son surnom, mais elle le sait pas encore. Mais j'ose pas trop aller lui parler. Alors je compte les voitures rouges qui passent à la fenêtre. Mais bon, je regarde quand même un petit peu ce qu'elle fait, Melisha. Hein. Arthur se rend compte que Melisha, elle pleure. Horrifié, il s'en court vers elle pour la consoler. Il la prend dans ses bras, mais rien n'arrête ses sanglots. Il réfléchit et soudain, il a une idée. Partager avec elle le reste du gâteau que de toute façon, personne n'a voulu goûter. Autant dire que c'était l'idée du siècle. Celle qui lui voudrait une belle gommette verte dans son journal de classe. Dès qu'elle croque la première bouchée, ses yeux s'illuminent. C'est le meilleur gâteau qu'elle ait jamais goûté. Bah oui, mais c'est parce qu'il l'a fait avec son cœur, sans penser aux apparences. Moi c'est Cookie. Moi c'est Vicky. Moi c'est Nicky. On est les Beaux Gosses Five. Une fois par jour, du bodybuilding. Sans oublier les heures de brushing. Essayez des costumes sur mesure. Tout ça c'est très dur. C'est dur. Et je m'entraîne à loucher des yeux. Parce que ça fait un regard langoureux. De scène en scène, je chante plus fort. Mais c'est pour mieux te crier ces mots. Mélissa, non ne pleure pas. Wow, wow, wow. Et oui, vous êtes toujours sur Radio Panique et vous êtes toujours dans le Memento. C'était Cookie, Vicky et Nicky des Bogos Five dans les Minicums avec leur tube inoubliable Melisha. Et Melisha, justement, elle n'est pas dans Radio Panique, elle est venue à l'anniversaire d'Arthur. Et en plus, elle arrivait avec un super cadeau. Elle m'a offert un Uno, c'est trop bien. J'ai joué toute l'après-midi avec elle et mes meilleurs copains parce que les autres, ils sont pas venus. Mais de toute façon, c'est mieux comme ça, c'est tous des pudus les autres. Et en plus... Papa et maman, ils m'ont offert un trampoline. Alors on a fait un concours de celui qui sautait le plus haut. Et c'est moi qui gagnais. Et puis on a aussi fait une cabane au fond du jardin. Et on a joué à papa et maman. Les autres, c'était les enfants. Moi, j'étais le papa. Et elle, la maman. Et même qu'à la fin, elle m'a donné un bisou. Favorite flavor. Love de R. Vous êtes toujours sur Radio Panique. Et Arthur et toute sa petite bande, ils ont bien joué. Et là, c'est l'heure de manger. Et ils vont manger du gâteau, le gâteau dont vous parlez tout à l'heure. Et on va s'écouter une petite musique. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. Suis-moi. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front room, voters in the back, junkies in the alley with a baseball bat. I tried to get away, but I couldn't get far, cause a man with a tow truck repossessed my car. C'est une bonne idée, maître. C'est du gâteau. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going underhand. Standing on the front stoop, hanging out the window, watching all the cars go by, roaring as the music comes. Dans un petit plat à part, bien que vous sentez des arbres, la valeur portée à coudre. Et un peu de sucre en poudre. Living in a bag, eating out of garlic bells, used to be a bag. Such a dash to tango, skipping life and dangle. As her gone rent to see the lost us, slipped down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home. She went to the city and got so did it. She had to get a pimp, she couldn't make it on her own. Don't push me, cause I'm close to the edge. I'm trying not to lose my head. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under. Dans un petit plat à part, bien que vous sentez des arts, la valeur portée à coudre. Et un peu de sucre. So my mother's TV says you watch it too much, it's just not healthy. All my children in the daytime, Dallas at night, can't even see the game or the Sugar Ray fight. The bill collectors can ring my phone and scare my wife when I'm not home. Got a bum education, double-digit inflation, can't take the train to the job, there's a strike at the station. Me on King Kong, standing on my back, can't stop to turn around. Broke my sacroiliac, a mid-range migraine, cancer membrane. Sometimes I think I'm going insane, I swear I might have to... Sur les bords du Nil, que mangeons les crocodiles. Vous êtes toujours sur Radio Panique et c'était Chinese Man avec le pudding à l'arsenic. Je crois que j'ai mangé trop de gâteaux. Mais j'ai un peu mal au ventre, je crois. Mais c'est pas grave, on va aller jouer aux flingues avec les copains dans la nouvelle cabane que j'ai eue et ça va être trop chouette. Kids with guns, taken over by one big one. easy. Does it make up something to say? Does it turn into monsters? Turning us into fire. Turning us into monsters. It's all desire. It's all desire. It's all drinking desire. Pacifier. Taking soul. Where you are doesn't make sad too, but it won't be long. Cause kids with guns, kids with guns. Easy does it, easy does it. They got something to say. Now they're turning us into monsters. Turning us into fire. Turning us into monsters. It's all desire. It's all desire. It's all desire. It's real. Vous êtes toujours sur Radio Panique et c'était Gorillaz avec leur chanson Kids with Gun. Maintenant, on a un peu marre de jouer avec les flingues alors. Alors, eh ben, on va danser, on va mettre de la musique. Mais avant même que j'ai pu mettre ma musique à moi, ben, c'est papa qui a mis la sienne. Et c'était vraiment un gros fan de Bobby Lapointe quand il était petit. Alors, il veut vraiment que j'aime aussi. Mais, ben voilà, c'est chouette quand même un peu. C'est le saucisson du cheval. Ouais, des paroles, des vrais. C'est un saucisson de cheval. Un saucisson que de cheval. Que je viens de faire à cheval. C'est une chanson de saillie. Ah, chanson de saillie de cheval. Moi qui suis esthète de cheval. Ah, je trouve ça beau de cheval. Génial, admirable. De la peine, refrain. C'est le refrain. Moi qui viens de Grèce, de cheval, je m'appelle au reste. De cheval, t'as pas bouffé l'os. De cheval, je débarque à Paris. De veau, oh oh, quel régalo. De cheval, de prendre le métro. De cheval, quand on ne connaît pas. De cheval, oh ce con, sa museau. De bœuf et refrain. Le refrain, c'est toujours. Mes enfants, ma foi, de cheval, sont de vilains grognons, de cheval, quand ils pleurent en cœur, de cheval, j'essaie de les distraire, les vaches, je viens à boudin, boudin de cheval, mais les autres aussi sont, de cheval, toujours dans le besoin, de cheval, ça ne peut pas être pis, de chèvre, non, l'enfant c'est, quel est cet aztèque, de cheval, qu'on vient de voir filer, de cheval du haut de la côte, de cheval dans le précipice, en moto peut-être bien estomac, de cheval qui vient de me ventre. De cheval, un complet à garrot. De cheval et un gilet pied. De poule. Allez, maintenant je suis comme ça. Maintenant je vais m'asseoir, j'en ai marre, je vais m'asseoir. Je désirais m'asseoir. De cheval et tu m'amènes naseau. De cheval, canapé en rotin. De cheval et mon cœur vous fumiez. Mes cigares, n'étais-je pas la frenier. De cheval qui fourbu sa fesse. De cheval, ça fait rire les groupes. De cheval, ah comme l'écurie. Et gay. Albo saucisson. De cheval à chanson de saillie. De cheval à je trouve sabot. De cheval car je suis esthète. De quoi? Esthète de quoi? Esthète de cheval. Vous êtes toujours sur Radio Panique et on vient de s'écouter Bobby Lapointe avec sa chanson Saucisson de cheval. Oui, merci. Et puis, ben voilà, le papa a mis sa musique, il est content, il est reparti dans son bureau un petit peu au calme. Et deuxième petit moment d'inondation, les garçons voulaient remettre de la musique, et puis là, c'est les filles qui passent devant, qui placent leur musique à elles. Et elles ont mis du Britney Spears, bien évidemment.

C'est déjà la fin de Memento, mais ne soyez pas tristes car nous revenons dans 2 semaines avec un épisode tout aussi foufou. Merci encore de nous avoir écoutés, on espère que ça vous a plu. Merci à Corentin pour son aide lors de l'écriture. Merci à Asma qui n'a pas pu être là ce soir parce qu'elle est dans son lit, elle aussi, mais parce qu'elle est malade, elle. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Facebook Memento, vous la retrouvez assez facilement, où nous postons les podcasts de chaque émission. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker. Quant à nous, il est temps de raccrocher. On a des choses à fêter. Chers auditeurs, restez connectés pour l'émission qui suit, parce que c'est Réservoir d'Homme. De cheval. Réservoir de cheval. Merci à tous et rendez-vous dans 2 semaines. Now there's Buffalo Jim, Buffalo Jim, there's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette, and there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose, our roads lead to Rome with the buffalo. Qui est là? C'est Mémé. Mémé qui? Memento. Toi l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents. Bah moi les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants, Brésil.